Section 43. Troisième partie, livre 13e. Suite. Dépêche à Monsieur le Comte Portalis, confidentiel. Rome, ce 2 avril 1829. Monsieur le Comte, j'ai l'honneur de vous envoyer aujourd'hui les documents importants que je vous ai annoncés. Ce n'est rien moins que le journal officiel et secret du conclave. Il est traduit mot à mot sur l'original italien. J'en ai fait disparaître seulement tout ce qui pouvait indiquer, avec trop de précision, les sources où j'ai puisé. S'il transpirait la moindre chose de ces révélations, dont il n'y a peut-être pas un autre exemple, il en coûterait la fortune, la liberté et la vie peut-être à plusieurs personnes. Cela serait d'autant plus déplorable que ces révélations ne sont point dues à l'intérêt et à la corruption, mais à la confiance dans l'honneur français. Cette pièce, monsieur le comte, doit donc demeurer à jamais secrète après avoir été lue dans le conseil du roi, car malgré les précautions que j'ai prises de taire les noms et de retrancher les choses directes, elle en dit encore assez pour compromettre ses auteurs. J'y ai joint un commentaire afin d'en faciliter la lecture. Le gouvernement pontifical est dans l'usage de tenir un registre où sont notés jour par jour et pour ainsi dire heure par heure ses décisions, ses gestes et ses faits. Quel trésor historique si l'on pouvait y fouiller en remontant vers les premiers siècles de la papauté. Il m'a été entrouvert un moment pour l'époque actuelle. Le roi verra par les documents que je vous transmets ce qu'on n'a jamais vu, l'intérieur d'un conclave. Les sentiments les plus intimes de la cour de Rome lui seront connus, et les ministres de sa majesté ne marcheront pas dans l'ombre. Le commentaire que j'ai fait du journal me dispensant de toute autre réflexion, il ne me reste plus qu'à vous offrir la nouvelle assurance de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur, etc., etc. L'original italien du document précieux annoncé dans cette dépêche confidentielle a été brûlé à Rome sous mes yeux. Je n'ai point gardé copie de la traduction de ce document que j'ai envoyé aux affaires étrangères. J'ai seulement une copie du commentaire ou des remarques jointes par moi à cette traduction. Mais la même discrétion qui m'a fait recommander au ministre de garder la pièce à jamais secrète m'oblige de supprimer ici mes propres remarques, car, quelle que soit l'obscurité dont ces remarques sont enveloppées par l'absence du document auquel elles se rapportent, cette obscurité serait encore de la lumière à Rome. Or, les ressentiments sont longs dans la ville éternelle. Il se pourrait faire que dans 50 ans d'ici, ils allassent frapper quelques arrière-neveux des auteurs de la mystérieuse confidence. Je me contenterai donc de donner un aperçu général du contenu du commentaire en insistant sur quelques passages qui ont un rapport direct avec les affaires de France. On voit premièrement combien la cour de Naples trompait M. de Blacas ou combien elle était elle-même trompée, car pendant qu'elle me faisait dire que les cardinaux napolitains voteraient avec nous, ils se réunissaient à la minorité ou à la faction dite de Sardaigne. La minorité des cardinaux se figurait que le vote des cardinaux français influerait sur la forme de notre gouvernement. Comment cela ? Apparemment, par les ordres secrets dont on les supposait chargés et par leurs votes en faveur d'un pape exalté. Le nonce Lambruschini affirmait au conclave que le cardinal de Latil avait le secret du roi. Tous les efforts de la faction tendaient à faire croire que Charles X et son gouvernement n'étaient pas d'accord. Le 13 mars, le cardinal de Latil annonce qu'il a à faire au conclave une déclaration purement de conscience. Il est renvoyé devant 4 cardinaux évêques. Les actes de cette confession secrète demeurent à la garde du grand pénitencier. Les autres cardinaux français ignorent la matière de cette confession, et le cardinal Albani cherche en vain à la découvrir. Le fait est important et curieux. La minorité est composée de 16 voix compactes. Les cardinaux de cette minorité s'appellent les Pères de la Croix. Ils mettent sur leur porte une croix de Saint-André pour annoncer que, déterminés dans leur choix, ils ne veulent plus communiquer avec personne. La majorité du conclave montre des sentiments raisonnables et la ferme résolution de ne se mêler en rien de la politique étrangère. Le procès-verbal dressé par le notaire du conclave est digne d'être remarqué. Pie VIII, y est-il dit à la conclusion, s'est déterminé à nommer le cardinal Albani secrétaire d'État, afin de satisfaire aussi le cabinet de Vienne. Le souverain pontife partage les lots entre les deux couronnes. Il se déclare le pape de la France et donne à l'Autriche la secrétairie d'État. À Madame Récamier, Rome, mercredi 8 avril 1829. J'ai donné aujourd'hui même à dîner à tout le conclave. Demain, je reçois la grande-duchesse Hélène. Le mardi de Pâques, j'ai un bal pour la clôture de la session. Et puis, je me prépare à aller vous voir. Jugez de mon anxiété. Au moment où je vous écris, je n'ai point encore de nouvelles de mon courrier à cheval annonçant la mort du pape. Et pourtant, le pape est déjà couronné. Léon XII est oublié. J'ai repris les affaires avec le nouveau secrétaire d'État, Albani. Tout marche comme s'il n'était rien arrivé. Et j'ignore si vous savez même à Paris qu'il y a un nouveau pontife. Que cette cérémonie de la bénédiction papale est belle. La Sabine à l'horizon, puis la campagne déserte de Rome, puis Rome elle-même, puis la place Saint-Pierre, et tout le peuple tombant à genoux sous la main d'un vieillard. Le pape est le seul prince qui bénisse ses sujets. J'en étais là de ma lettre lorsqu'un courrier qui m'arrive de Gênes m'apporte une dépêche télégraphique de Paris à Toulon, laquelle dépêche, qui répond à celle que j'avais fait passer, m'apprend que le 4 avril à 11h du matin, on a reçu à Paris ma dépêche télégraphique de Rome à Toulon, dépêche qui annonçait la nomination du cardinal Castiglioni et que le roi est fort content. La rapidité de ces communications est prodigieuse. Mon courrier est parti le 31 mars à 8h du soir et le 8 avril à 8h du soir, j'ai reçu la réponse de Paris. 11 avril 1829. Nous voilà au 11 avril. Dans 8 jours, nous aurons Pâques. Dans 15 jours, mon congé, et puis vous voir. Tout disparaît dans cette espérance. Je ne suis plus triste. Je ne songe plus au ministre ni à la politique. Demain, nous commençons la Semaine Sainte. Je penserai à tout ce que vous m'avez dit. Que n'êtes-vous ici pour entendre avec moi les beaux chants de douleur? Nous irions nous promener dans les déserts de la campagne de Rome, maintenant couverts de verdure et de fleurs. Toutes les ruines semblent rajeunir avec l'année. Je suis du nombre. Mercredi 5, 15 avril. Je sors de la chapelle Sixtine après avoir assisté à Ténèbres et entendu chanter le Miserere. Je me souvenais que vous m'aviez parlé de cette cérémonie et j'en étais à cause de cela 100 fois plus touché. Le jour s'affaiblissait, les ombres envahissaient lentement les fresques de la chapelle et l'on n'apercevait plus que quelques grands traits du pinceau de Michel-Ange. Les cierges, tour à tour éteints, laissaient échapper de leur lumière étouffée une légère fumée blanche, image assez naturelle de la vie que l'écriture compare à une petite vapeur. Les cardinaux étaient à genoux, le nouveau pape prosterné au même autel où quelques jours avant j'avais vu son prédécesseur, l'admirable prière de pénitence et de miséricorde qui avait succédé aux lamentations du prophète s'élevait par intervalles dans le silence et la nuit. On se sentait accablé sous le grand mystère d'un Dieu mourant pour effacer les crimes des hommes. La catholique héritière, sur ses 7 collines, était là, avec tous ses souvenirs. Mais, au lieu de ces pontifes puissants, de ces cardinaux qui disputaient la préséance au monarque, un pauvre vieux pape paralytique, sans famille et sans appui, des princes de l'Église sans éclat, annonçait la fin d'une puissance qui civilisa le monde moderne. Les chefs-d'œuvre des arts disparaissaient avec elle, s'effaçaient sur les murs et sur les voûtes du Vatican, palais à demi abandonné. De curieux étrangers, séparés de l'unité de l'Église, assistaient en passant à la cérémonie et remplaçaient la communauté des fidèles. Une double tristesse s'emparait du cœur. Rome chrétienne, en commémorant l'agonie de Jésus-Christ, avait l'air de célébrer la sienne, de redire pour la nouvelle Jérusalem les paroles que Jérémie adressait à l'ancienne. C'est une belle chose que Rome, pour tout oublier, mépriser tout et mourir. Dépêche à Monsieur le Comte Portalis. Rome, ce 16 avril 1829. Monsieur le Comte, les choses se développent ici comme j'avais eu l'honneur de vous le faire pressentir. Les paroles et les actions du nouveau souverain pontife sont parfaitement d'accord avec le système pacificateur suivi par Léon XII. Pie VIII va même plus loin que son prédécesseur. Il s'exprime avec plus de franchise sur la charte, dont il ne craint pas de prononcer le mot et de conseiller aux Français de suivre l'esprit. Le nonce, ayant encore écrit sur nos affaires, a reçu sèchement l'ordre de se mêler des siennes. Tout se conclut pour le concordat des Pays-Bas et M. le comte de Celles mettra fin à sa mission le mois prochain. Le cardinal Albani, dans une position difficile, est obligé de l'expier. les protestations qu'il me fait de son dévouement à la France blessent l'ambassadeur d'Autriche, qui ne peut cacher son humeur. Sous les rapports religieux, nous n'avons rien à craindre du cardinal Albani. Fort peu religieux lui-même, il ne sera poussé à nous troubler ni par son propre fanatisme, ni par l'opinion modérée de son souverain. Quant aux rapports politiques, ce n'est pas avec une intrigue de police et une correspondance chiffrée que l'on escamotera aujourd'hui l'Italie. Laisser occuper les légations ou mettre garnison autrichienne à Ancône sous un prétexte quelconque, ce serait remuer l'Europe et déclarer la guerre à la France. Or, nous ne sommes plus en 1814, 1815, 1816 et 1817. On ne satisfait pas impunément sous nos yeux une ambition avide et injuste, ainsi que le cardinal Albani est une pension du prince de Metternich. Qu'il soit le parent du duc de Modène, auquel il prétend laisser son énorme fortune, qu'il trame avec ce prince un petit complot contre l'héritier de la couronne de Sardaigne. Tout cela est vrai. Tout cela aurait été dangereux à l'époque où des gouvernements secrets et absolus faisaient marcher obscurément des soldats derrière une obscure dépêche. Mais aujourd'hui, avec des gouvernements publics, avec la liberté de la presse et de la parole, avec le télégraphe et la rapidité de toutes les communications, avec la connaissance des affaires répandues dans les diverses classes de la société, on est à l'abri des tours de gobelet et des finesses de la vieille diplomatie. Toutefois, il ne faut pas se dissimuler qu'un chargé d'affaires d'Autriche, secrétaire d'État à Rome, a des inconvénients. Il y a même certaines notes, par exemple celles qui seraient relatives à la puissance impériale en Italie, qu'on ne pourrait mettre entre les mains du cardinal Albani. Personne n'a encore pu pénétrer le secret d'une nomination qui déplaît à tout le monde, même au cabinet de Vienne. Cela tient-il à des intérêts étrangers à la politique ? On assure que le cardinal Albani offre dans ce moment au Saint-Père de lui avancer 200 000 piastres, dont le gouvernement de Rome a besoin. D'autres prétendent que cette somme serait prêtée par un banquier autrichien. Le cardinal Macchis me disait samedi dernier que sa sainteté, ne voulant pas reprendre le cardinal Bernetti et désirant néanmoins lui donner une grande place, n'avait trouvé d'autre moyen d'arranger les choses que de rendre vacante la légation de Bologne. De misérables embarras deviennent souvent les motifs des plus importantes résolutions. Si la version du cardinal Macchis est la véritable, tout ce que dit et fait Pie VIII pour la satisfaction des couronnes de France et d'Autriche ne serait qu'une raison apparente, à l'aide de laquelle il chercherait à masquer à ses propres yeux sa propre faiblesse. Au surplus, on ne croit point à la durée du ministère d'Albani. Aussitôt qu'il entrera en relation avec les ambassadeurs, les difficultés naîtront de toutes parts. Quant à la position de l'Italie, monsieur le comte, il faut lire avec précaution ce qu'on vous en mandera de Rome ou d'ailleurs. Il est malheureusement trop vrai que le gouvernement des deux Siciles est tombé au dernier degré du mépris. La manière dont la cour vit au milieu de ses gardes, toujours tremblante, toujours poursuivie par les fantômes de la peur, n'offrant pour tout spectacle que des chasses ruineuses et des gibets, contribue de plus en plus dans ce pays à avilir la royauté. Mais on prend pour des conspirations ce qui n'est que le malaise de tous, le produit du siècle, la lutte de l'ancienne société avec la nouvelle, le combat de la décrépitude des vieilles institutions contre l'énergie des jeunes générations. Enfin, la comparaison que chacun fait de ce qui est à ce qui pourrait être. Ne nous le dissimulons pas. Le grand spectacle de la France puissante, libre et heureuse, ce grand spectacle qui frappe les yeux des nations restées ou retombées sous le joug, excite des regrets ou nourrit des espérances. Le mélange des gouvernements représentatifs et des monarchies absolues ne saurait durer. Il faut que les unes ou les autres périssent, que la politique reprenne un égal niveau, ainsi que du temps de l'Europe gothique. La douane d'une frontière ne peut désormais séparer la liberté de l'esclavage. Un homme ne peut plus être pendu de ce côté-ci d'un ruisseau pour des principes réputés sacrés de l'autre côté de ce même ruisseau. C'est dans ce sens, monsieur le comte, et uniquement dans ce sens, qu'il y a conspiration en Italie. C'est dans ce sens encore que l'Italie est française. Le jour où elle entrera en jouissance des droits que son intelligence aperçoit et que la marche progressive du temps lui apporte, elle sera tranquille et purement italienne. Ce ne sont point quelques pauvres diables de Carbonari, excités par des manœuvres de police et pendus sans miséricorde, qui soulèveront ce pays. On donne au gouvernement les idées les plus fausses du véritable état des choses. On les empêche de faire ce qu'ils devraient faire pour leur sûreté, en leur montrant toujours comme les conspirations particulières d'une poignée de jacobins, ce qui est l'effet d'une cause permanente et générale. Telle est, monsieur le comte, la position réelle de l'Italie. Chacun de ces États, outre le travail commun des esprits, est tourmenté de quelque maladie locale. Le Piémont est livré à une faction fanatique. Le Milanais est dévoré par les Autrichiens. Les domaines du Saint-Père sont ruinés par la mauvaise administration des finances. L'impôt s'élève à près de 50 millions et ne laisse pas au propriétaire 1% de son revenu. Les douanes ne rapportent presque rien. La contrebande est générale. Le prince de Modène a établi dans son duché, lieu de franchise pour tous les anciens abus, des magasins de marchandises prohibés, lesquels il fait entrer la nuit dans la légation de Bologne. Je vous ai déjà, monsieur le comte, parlé de Naples, où la faiblesse du gouvernement n'est sauvée que par la lâcheté des populations. C'est cette absence de la vertu militaire qui prolongera l'agonie de l'Italie. Bonaparte n'a pas eu le temps de faire revivre cette vertu dans la patrie de Marius et de César. Les habitudes d'une vie oisive et le charme du climat contribuent encore à ôter aux Italiens du Midi le désir de s'agiter pour être mieux. Les antipathies nées des divisions territoriales ajoutent aux difficultés d'un mouvement intérieur. Mais si quelque impulsion venait du dehors, ou si quelque prince en deçà des Alpes accordait une charte à ses sujets, une révolution aurait lieu, parce que tout est mûr pour cette révolution. Plus heureux que nous et instruits par notre expérience, les peuples économiseraient les crimes et les malheurs dont nous avons été prodigues. Je vais sans doute, monsieur le comte, recevoir bientôt le congé que je vous ai demandé, peut-être en ferai-je usage. Au moment donc de quitter l'Italie, j'ai cru devoir mettre sous vos yeux quelques aperçus généraux pour fixer les idées du Conseil du roi afin de le tenir en garde contre les rapports des esprits bornés ou des passions aveugles. J'ai l'honneur, etc., etc. À Monsieur le Comte Portalis, Rome, ce 16 avril 1829. Monsieur le Comte, messieurs les cardinaux français sont fort empressés de connaître quelle somme leur sera accordée pour leurs dépenses et leur séjour à Rome. Ils m'ont prié plusieurs fois de vous écrire à ce sujet. Je vous serai donc infiniment obligé de m'instruire le plus tôt possible de la décision du roi. Pour ce qui me regarde, monsieur le comte, lorsque vous avez bien voulu m'allouer un secours de 30 000 francs, vous avez supposé qu'aucun cardinal ne logerait chez moi. Or, M. de Clermont-Tonnerre s'y est établi avec sa suite, composée de 2 conclavistes, d'un secrétaire ecclésiastique, d'un secrétaire laïque, d'un valet de chambre, de 2 domestiques et d'un cuisinier français. Enfin, d'un maître de chambre romain, d'un maître de cérémonie, de 3 valets de pied, d'un cocher et de toute cette maison italienne qu'un cardinal est obligé d'avoir ici. M. l'archevêque de Toulouse, qui ne peut marcher, ne dîne point à ma table. Il faut 2 ou 3 services, à différentes heures, des voitures et des chevaux pour les commensaux et les amis. Mon respectable hôte ne payera certainement pas sa dépense ici. Il partira, et les mémoires me resteront. Il me faudra acquitter non seulement ceux du cuisinier, de la blanchisseuse, du loueur de carrosses, etc., etc., mais encore ceux des 2 chirurgiens qui visitent la jambe de Monseigneur, du cordonnier qui fait ses mules blanches et pourpres, et du tailleur qui a confectionné les manteaux, les soutanes, les rabats, l'ajustement complet du cardinal et de ses abbés. Si vous joignez à cela, monsieur le comte, mes dépenses extraordinaires pour frais de représentation avant, pendant et après le conclave, dépenses augmentées par la présence de la grande-duchesse Hélène, du prince Paul de Württemberg et du roi de Bavière, vous trouverez sans doute que les 30 000 francs que vous m'avez accordés seront de beaucoup dépassés. La première année de l'établissement d'un ambassadeur est ruineuse, les secours accordés pour cet établissement étant fort au-dessous des besoins. Il faut presque 3 ans de séjour pour qu'un agent diplomatique ait trouvé le moyen d'acquitter les dettes qu'il a contractées, d'abord, et de mettre ses dépenses au niveau de ses recettes. Je connais toute la pénurie du budget des affaires étrangères. Si j'avais par moi-même quelque fortune, je ne vous importunerais pas. Rien ne m'est plus désagréable, je vous assure, que ces détails d'argent dans lesquels une rigoureuse nécessité me force d'entrer bien malgré moi. Agréez, monsieur le comte, etc. J'avais donné des bals et des soirées à Londres et à Paris et bien qu'enfant d'un autre désert, je n'avais pas trop mal traversé ces nouvelles solitudes. Mais je ne m'étais pas douté de ce que pouvaient être des fêtes à Rome. Elles ont quelque chose de la poésie antique qui place la mort à côté des plaisirs. À la Villa Médicis, dont les jardins sont déjà une parure, et où j'ai reçu la grande-duchesse Hélène, l'encadrement du tableau est magnifique. D'un côté, la Villa Borghese, avec la maison de Raphaël, de l'autre, la Villa de Monte Mario et les coteaux qui bordent le Tibre. Au-dessous du spectateur, Rome entière comme un vieux nid d'aigle abandonné. Au milieu des bosquets se pressaient, avec les descendants des Pola et des Cornélie, les beautés venues de Naples, de Florence et de Milan. La princesse Hélène semblait leur reine. Borée, tout à coup descendue de la montagne, a déchiré la tente du festin et s'est enfuie avec des lambeaux de toile et de guirlandes, comme pour nous donner une image de tout ce que le temps a balayé sur cette rive. L'ambassade était consternée. Je sentais je ne sais quelle gaieté ironique à voir un souffle du ciel emporter mon or d'un jour et mes joies d'une heure. Le mal a été promptement réparé. Au lieu de déjeuner sur la terrasse, on a déjeuné dans l'élégant palais. L'harmonie des corps et des hautbois dispersés par le vent avait quelque chose du murmure de mes forêts américaines. Les groupes qui se jouaient dans les rafales, les femmes dont les voiles tourmentées battaient leurs visages et leurs cheveux, le sartarello qui continuait dans la bourrasque, l'improvisatrice qui déclamait aux nuages, le ballon qui s'envolait de travers avec le chiffre de la fille du Nord, tout cela donnait un caractère nouveau à ces jeux où semblaient se mêler les tempêtes accoutumées de ma vie. Quel prestige pour tout homme qui n'eût pas compté son monceau d'années et qui eût demandé des illusions au monde et à l'orage. J'ai bien de la peine à me souvenir de mon automne quand, dans mes soirées, je vois passer devant moi ces femmes du printemps qui s'enfoncent parmi les fleurs, les concerts et les lustres de mes galeries successives. On dirait des cygnes qui nagent vers des climats radieux. À quels désennuis vont-elles ? Les unes cherchent ce qu'elles ont déjà aimé, les autres ce qu'elles n'aiment pas encore. Au bout de la route, elles tomberont dans ces sépulcres, toujours ouverts ici, dans ces anciens sarcophages qui servent de bassins à des fontaines, suspendues à des portiques, elles iront augmenter tant de poussières légères et charmantes. Ces flots de beauté, de diamants, de fleurs et de plumes roulent au son de la musique de Rossini, qui se répète et s'affaiblit d'orchestre en orchestre. Cette mélodie est-elle le soupir de la brise que j'entendais dans les savanes des Florides ? Le gémissement que j'ai ouï dans le temple d'Érecté à Athènes ? Est-ce la plainte lointaine des Aquilons qui me berçait sur l'océan ? Ma sylphide serait-elle cachée sous la forme de quelques-unes de ces brillantes italiennes ? Non, ma dryade est restée unie au saule des prairies où je causais avec elle de l'autre côté de la futaie de Combourg. Je suis bien étranger à ces ébats de la société, attaché à mes pas vers la fin de ma course. Et pourtant, il y a dans cette féerie une sorte d'enivrement qui me monte à la tête. Je n'en débarrasse qu'en allant rafraîchir mon front à la place solitaire de Saint-Pierre ou au Colisée désert. Alors les petits spectacles de la terre s'abîment et je ne trouve d'égal au brusque changement de la scène que les anciennes tristesses de mes premiers jours. Je consigne ici maintenant mes rapports comme ambassadeur avec la famille Bonaparte afin de laver la restauration d'une de ces calomnies qu'on lui jette sans cesse à la tête. La France n'a pas agi seule dans le bannissement des membres de la famille impériale. Elle n'a fait qu'obéir à la dure nécessité imposée par la force des armes. Ce sont les alliés qui ont provoqué ce bannissement. Des conventions diplomatiques, des traités formels, prononcent l'exil des Bonaparte, leur prescrivent jusqu'au lieu qu'ils doivent habiter, ne permettent pas à un ministre ou à un ambassadeur des cinq puissances de délivrer seul un passeport aux parents de Napoléon. Le visa des quatre autres ministres ou ambassadeurs des quatre autres puissances contractantes est exigé. Tant ce sang de Napoléon épouvantait les alliés, lors même qu'il ne coulait pas dans ses propres veines. Grâce à Dieu, je ne me suis jamais soumis à ces mesures. En 1823, j'ai délivré, sans consulter personne, en dépit des traités et sous ma propre responsabilité, comme ministre des Affaires étrangères, un passeport à Madame la Comtesse de Survilliers, alors à Bruxelles, pour venir à Paris soigner un de ses parents malades. 20 fois, j'ai demandé le rappel de ces lois de persécution. 20 fois j'ai dit à Louis XVIII que je voudrais voir le duc de Reichstadt, capitaine de ses gardes, et la statue de Napoléon replacée au haut de la colonne de la place Vendôme. J'ai rendu, comme ministre et comme ambassadeur, tous les services que j'ai pu à la famille Bonaparte. C'est ainsi que j'ai compris largement la monarchie légitime. La liberté peut regarder la gloire en face. Ambassadeur à Rome, j'ai autorisé mes secrétaires et mes attachés à paraître au palais de Madame la Duchesse de Saint-Leu. J'ai renversé la séparation élevée entre des Français qui ont également connu l'adversité. J'ai écrit à M. le cardinal Fesch pour l'inviter à se joindre aux cardinaux qui devaient se réunir chez moi. Je lui ai témoigné ma douleur des mesures politiques qu'on avait cru devoir prendre. Je lui ai rappelé le temps où j'avais fait partie de sa mission auprès du Saint-Siège. Et j'ai prié mon ancien ambassadeur d'honorer de sa présence le banquet de son ancien secrétaire d'ambassade. J'en ai reçu cette réponse pleine de dignité, de discrétion et de prévoyance. Du palais Falconieri, 4 avril 1829. Le cardinal Fesch est bien sensible à l'invitation obligeante de M. de Chateaubriand, mais sa position à son retour à Rome lui conseilla d'abandonner le monde et de mener une vie tout à fait séparée de toute société étrangère à sa famille. Les circonstances qui se succédèrent lui prouvèrent qu'un tel parti était indispensable à sa tranquillité. Et les douceurs du moment ne le garantissant point des désagréments de l'avenir, il est obligé de ne point changer de manière de vivre. Le cardinal Fesch prie M. de Chateaubriand d'être convaincu que rien n'égale sa reconnaissance et que c'est avec bien de la peine qu'il ne se rendra pas chez son Excellence aussi fréquemment qu'il l'aurait désiré. Le très humble, etc., cardinal Fesch. La phrase de ce billet, « Les douceurs du moment ne le garantissant pas des désagréments de l'avenir », fait allusion à la menace de M. de Blacas, qui avait donné l'ordre de jeter M. le cardinal Fesch du haut en bas de ses escaliers s'il se présentait à l'ambassade de France. M. de Blacas oubliait trop qu'il n'avait pas toujours été si grand seigneur. Moi qui, pour être autant que je puis, ce que je dois être dans le présent, me rappelle sans cesse mon passé, j'ai agi d'une autre sorte avec M. l'archevêque de Lyon. Les petites mésintelligences qui existèrent entre lui et moi à Rome m'obligent à des convenances d'autant plus respectueuses que je suis à mon tour dans le parti triomphant et lui dans le parti abattu. De son côté, le prince Jérôme m'a fait l'honneur de réclamer mon intervention en m'envoyant copie d'une requête qu'il adresse au cardinal secrétaire d'État. Il me dit dans sa lettre « L'exil est assez affreux dans son principe comme dans ses conséquences pour que cette généreuse France qu'il a vue naître, le prince Jérôme, cette France qui possède toutes ses affections et qu'il a servi 20 ans, veuille aggraver sa situation en permettant à chaque gouvernement d'abuser de la délicatesse de sa position. Le prince Jérôme de Montfort, confiant dans la loyauté du gouvernement français et dans le caractère de son noble représentant, n'hésite pas à penser que justice lui soit rendue. Il saisit cette occasion, etc. Jérôme. J'ai adressé en conséquence de cette requête une note confidentielle au secrétaire d'État, le cardinal Bernetti. Elle se termine par ces mots « Les motifs déduits par le prince Jérôme de Montfort ayant paru au sous-signé, fondés en droit et en raison, il n'a pu refuser l'intervention de ses bons offices au réclamant, persuadé que le gouvernement français verra toujours avec peine, aggravée par d'ombrageuses mesures, la rigueur des lois politiques. » Le sous-signé mettrait un prix tout particulier à obtenir dans cette circonstance le puissant intérêt de son Excellence, le cardinal secrétaire d'État, Chateaubriand. J'ai répondu en même temps au prince Jérôme ce qui suit. Rome, 9 mai 1829. L'ambassadeur de France près le Saint-Siège a reçu copie de la note que le prince Jérôme de Montfort lui a fait l'honneur de lui envoyer. Il s'empresse de le remercier de la confiance qu'il a bien voulu lui témoigner. Il se fera un devoir d'appuyer, auprès du secrétaire d'État de sa sainteté, les justes réclamations de son Altesse. Le vicomte de Chateaubriand, qui a aussi été banni de sa patrie, serait trop heureux de pouvoir adoucir le sort des Français qui se trouvent encore placés sous le coup d'une loi politique. Le frère exilé de Napoléon, s'adressant à un émigré jadis rayé de la liste des proscrits par Napoléon lui-même, est un de ces jeux de la fortune qui devait avoir pour témoin les ruines de Rome. Le vicomte de Chateaubriand à l'honneur, etc. Dépêche à M. le comte Portalis. Rome, 4 mai 1829. J'ai eu l'honneur de vous dire dans ma lettre du 30 avril, en vous accusant réception de votre dépêche numéro 25, que le pape m'avait reçu en audience particulière le 29 avril à midi. Sa sainteté m'a paru jouir d'une très bonne santé. Elle m'a fait asseoir devant elle et m'a gardé à peu près 5 quarts d'heure. L'ambassadeur d'Autriche avait eu avant moi une audience publique pour remettre ses nouvelles lettres de créance. En quittant le cabinet de sa sainteté au Vatican, je suis descendu chez le secrétaire d'État et, abordant franchement la question avec lui, je lui ai dit « Eh bien, vous voyez comme nos journaux vous arrangent. Vous êtes autrichien, vous détestez la France, vous voulez lui jouer de mauvais tours. Que dois-je croire de tout cela ?» Il a haussé les épaules et m'a répondu « Vos journaux me font rire. Je ne puis pas vous convaincre par mes paroles si vous n'êtes pas convaincu. Mais mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'aime pas la France, si je ne fais pas ce que vous me demanderez au nom de votre roi. Je crois, monsieur le comte, le cardinal Albani sincère. Il est d'une indifférence profonde en matière religieuse. Il n'est pas prêtre. Il a même songé à quitter la pourpre et à se marier. Il n'aime pas les jésuites. Il le fatigue par le bruit qu'ils font. Il est paresseux, gourmand, grand amateur de toutes sortes de plaisirs. L'ennui que lui causent les mandements et les lettres pastorales le rend extrêmement peu favorable à la cause des auteurs de ces lettres et de ces mandements. Ce vieillard de 80 ans veut mourir en paix et en joie. J'ai l'honneur, etc. 10 mai 1829. Je visite souvent Monte Cavallo. La solitude des jardins s'y accroît de la solitude de la campagne romaine que la vue va chercher par-dessus Rome, en amont de la rive droite du Tibre. Des allées mènent à la panetterie, pauvre laiterie, volière ou ménagerie, dont les habitants sont indigents et pacifiques comme les papes actuels. En regardant en bas du haut des terrasses de l'enceinte quirinale, on aperçoit dans une rue étroite des femmes qui travaillent aux différents étages de leurs fenêtres. Les unes brodent, les autres peignent dans le silence de ce quartier retiré. Les cellules des cardinaux du dernier conclave ne m'intéressent pas du tout. Lorsqu'on bâtissait Saint-Pierre, que l'on commandait des chefs-d'œuvre à Raphaël, qu'en même temps les rois venaient baiser la mule du pontife, il y avait quelque chose digne d'attention dans la papauté temporelle. Je verrais volontiers la loge d'un Grégoire VII, d'un Sixte Quint, comme je chercherais la fosse aux lions dans Babylone. Mais des trous noirs, délaissés d'une obscure compagnie de septuagénaires, ne me représentent que ces columbaria de l'ancienne Rome, vides aujourd'hui de leur poussière, et d'où s'est envolée une famille de morts. Je passe donc rapidement ces cellules déjà à moitié abattues pour me promener dans les salles du palais. Là, tout me parle d'un événement, dont je ne retrouve la trace qu'en remontant jusqu'à Sciarra Colonna, Nogaret et Boniface VIII. Mon premier et dernier voyage de Rome se rattache par les souvenirs de Pie VII, dont j'ai raconté l'histoire en parlant de Madame de Beaumont et de Bonaparte. Mes deux voyages sont deux pendentifs esquissés sous la voûte de mon monument. Ma fidélité à la mémoire de mes anciens amis doit donner confiance aux amis qui me restent. Rien ne descend pour moi dans la tombe. Tout ce que j'ai connu vit autour de moi. Selon la doctrine indienne, la mort, en nous touchant, ne nous détruit pas. Elle nous rend seulement invisibles. À Monsieur le Comte Portalis. Rome, le 7 mai 1829. Monsieur le Comte, je reçois enfin par messieurs Desgranges et Franqueville votre dépêche numéro 25. Cette dépêche dure, rédigée par quelques commis mal élevés des affaires étrangères, n'était pas de celle que je devais attendre après les services que j'avais eu le bonheur de rendre au roi pendant le conclave, et surtout en aurait dû un peu se souvenir de la personne à qui on l'adressait. Pas un mot obligeant pour M. Belloc, qui a obtenu de si rares documents. Rien sur la demande que je faisais pour lui. D'inutiles commentaires sur la nomination du cardinal Albani, nomination faite dans le conclave et qu'ainsi personne n'a pu ni prévoir ni prévenir. Nomination sur laquelle je n'ai cessé d'envoyer des éclaircissements. Dans ma dépêche numéro 34, qui sans doute vous est parvenue à présent, je vous offre encore un moyen très simple de vous débarrasser de ce cardinal s'il fait si grand peur à la France. Et ce moyen sera déjà à moitié exécuté lorsque vous recevrez cette lettre. Demain, je prends congé de sa sainteté. Je remets l'ambassade à M. Belloc comme chargé d'affaires d'après les instructions de votre dépêche numéro 24. Et je pars pour Paris. J'ai l'honneur, etc. Ce dernier billet est rude et finit brusquement ma correspondance avec M. Portalis. À Madame Récamier, 14 mai 1829. Mon départ est fixé au 16. Des lettres de Vienne, arrivées ce matin, annoncent que M. de Laval a refusé le ministère des Affaires étrangères. Est-ce vrai? S'il tient à ce premier refus, qu'arrivera-t-il? Dieu le sait. J'espère que le tout sera décidé avant mon arrivée à Paris. Il me semble que nous sommes tombés en paralysie et que nous n'avons plus que la langue de libre. Vous croyez que je m'entendrai avec M. de Laval? J'en doute. Je suis disposée à ne m'entendre avec personne. J'allais arriver dans les dispositions les plus pacifiques et ces gens s'avisent de me chercher querelle. Tandis que j'ai eu des chances de ministère, il n'y avait pas assez d'éloges et de flatteries pour moi dans les dépêches. Le jour où la place a été prise, ou censée prise, on m'annonce sèchement la nomination de M. de Laval dans la dépêche la plus rude et la plus bête à la fois. Mais, pour devenir si plat et si insolent d'une poste à l'autre, il fallait un peu songer à qui on s'adressait, et M. Portalis en aura été averti par un mot de réponse que je lui ai envoyé ces jours derniers. Il est possible qu'il n'ait fait que signer sans lire, comme Carnot signait de confiance des centaines d'exécutions à mort. L'ami du grand l'hôpital, le chancelier Olivier, dans sa langue du XVIe siècle, laquelle bravait l'honnêteté, compare les Français à des guenons qui grimpent au sommet des arbres et qui ne cessent d'aller en avant qu'elles ne soient parvenues à la plus haute branche pour y montrer ce qu'elles doivent cacher. Ce qui s'est passé en France depuis 1789 jusqu'à nos jours prouve la justesse de la similitude. Chaque homme, en gravissant la vie, est aussi le singe du chancelier. On finit par exposer sans honte ses infirmités aux passants. Voilà qu'au bout de mes dépêches, je suis saisi du désir de me vanter. Les grands hommes qui pullulent à cette heure démontrent qu'il y a du prix à ne pas proclamer soi-même son immortalité. Avez-vous lu dans les archives des affaires étrangères les correspondances diplomatiques relatives aux événements les plus importants à l'époque de ces correspondances? Non. Du moins, vous avez lu les correspondances imprimées. Vous connaissez les négociations de Dubellay, de Dossat, de Duperron, du président Janin, les mémoires d'État de Villeroy, les économies royales de Sully. Vous avez lu les mémoires du cardinal de Richelieu, nombre de lettres de Mazarin, les pièces et les documents relatifs au traité de Westphalie, de la paix de Münster. Vous connaissez les dépêches de Barillon sur les affaires d'Angleterre. Les négociations pour la succession d'Espagne ne vous sont pas étrangères. Le nom de Madame des Ursins ne vous a pas échappé. Le pacte de famille de M. de Choiseul est tombé sous vos yeux. Vous n'ignorez pas Jiménez, Olivares et Pombal, Hugues Grotius sur la liberté des mers, ses lettres aux deux Oxentiernes, les négociations du grand pensionnaire de Witt avec Pierre Grotius, second fils de Hugues. Enfin, la collection des traités diplomatiques a peut-être attiré vos regards. Non. Ainsi, vous n'avez rien lu de ces sempiternelles élucubrations. Eh bien, lisez-les. Quand cela sera fait, passez ma guerre d'Espagne, dont le succès vous importune, bien qu'elle soit mon premier titre à mon classement d'homme d'État. Prenez mes dépêches de Prusse, d'Angleterre et de Rome. Placez-les auprès des autres dépêches que je vous indique. La main sur la conscience, dites alors quelles sont celles qui vous ont le plus ennuyé. Dites si mon travail et celui de mes prédécesseurs n'est pas tout semblable. Si l'entente des petites choses et du positif n'est pas aussi manifeste de mon côté que du côté des ministres passés et des défunts ambassadeurs. D'abord, vous remarquerez que j'ai l'œil à tout, que je m'occupe de Réchid Pacha et de M. de Blacas, que je défends contre tout venant mes privilèges et mes droits d'ambassadeur à Rome, que je suis côteleux, faux, éminente qualité. Fin jusque-là que M. de Finchal, dans une position équivoque, m'ayant écrit « Je ne lui réponds point, mais que je vais le voir par une politesse astucieuse, afin qu'il ne puisse montrer une ligne de moi, et néanmoins qu'il soit satisfait. Pas un mot imprudent à reprendre dans mes conversations avec les cardinaux Bernetti et Albani, les deux secrétaires d'État. Rien ne m'échappe. Je descends aux plus petits détails. Je rétablis la comptabilité dans les affaires des Français à Rome, d'une manière telle qu'elle subsiste encore sur les bases que je lui ai données. D'un regard d'aigle, j'aperçois que le traité de la Trinité du Mont, entre le Saint-Siège et les ambassadeurs Laval et Blacas, est abusif, et qu'aucune des deux parties n'avait eu le droit de le faire. De là, montant plus haut et arrivant à la grande diplomatie, je prends sur moi de donner l'exclusion à un cardinal, parce qu'un ministre des Affaires étrangères me laissait sans instruction et m'exposait à voir nommé pour pape une créature de l'Autriche. Je me procure le journal secret du conclave, chose qu'aucun ambassadeur n'avait jamais pu obtenir. J'envoie jour par jour la liste nominative des scrutins. Je ne néglige point la famille de Bonaparte. Je ne désespère pas d'amener par de bons traitements le cardinal Fesch à donner sa démission d'archevêque de Lyon. Si un Carbonaro remue, je le sais, et je juge du plus ou du moins de vérité de la conspiration. Si un abbé intrigue, je le sais, et je déjoue les plans que l'on avait formés pour éloigner les cardinaux de l'ambassadeur de France. Enfin, je découvre qu'un secret important a été déposé par le cardinal Latil dans le sein du grand pénitencier. Êtes-vous content? Est-ce là un homme qui sait son métier? Eh bien, voyez-vous, je brochais cette besogne diplomatique comme le premier ambassadeur venu, sans qu'il m'en coûtât une idée. De même qu'un niais de paysan de Basse-Normandie fait des choses en gardant ses moutons. Mes moutons à moi étaient mes songes. Fin de la section 43.